Pourquoi y aurait-il un dieu ? Créatif comme l'univers. Si la vie existe, c'est que l'univers que l'on connaît possède la faculté de créer la vie. Non seulement la vie est une création de l'univers, mais en plus, on découvre qu'il y a de plus en plus de galaxies, surtout parmi les plus petites. L'univers est en train de s'étendre, en s'organisant, car les grosses galaxies créent de l'instabilité dans l'univers. Les grandes étoiles ont une vie courte et créent facilement des trous noirs. Si vous rencontrez des scientifiques, certains vous diront que l'univers va vers une mort où il n'y aurait plus d'énergie, alors que pourtant, il est possible d'engendrer de l'énergie avec n'importe quel atome, selon Einstein. Si on regarde dans l'histoire de la science, on s'aperçoit que même Pasteur, scientifique croyant profondément en l'humain, ne croyait pas suffisamment dans les capacités créatrices de l'univers. Il avait ainsi oublié qu'il était lui-même une création de l'univers. Le courant anthropique français se base sur une citation de Lavoisier. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ce dogme, encore appris à l'école, peut se contredire très facilement. Si rien ne se crée, comment se fait-il que quelque chose existe ? Ainsi, on sait que, s'il n'y avait plus du tout d'énergie, les atomes ne devraient donc plus bouger. Or, il est très difficile de rendre des atomes statiques en les amenant au 0 degré Kelvin. On serait donc dans un univers sans énergie, où l'énergie agirait. Le courant anthropique consiste à dire que l'univers est le chaos, régi par des lois de transformation qui ont amené la vie par hasard. Pourtant, des scientifiques vous disent que la probabilité de créer la vie par hasard ne tient pas debout. C'est comme si l'homme avait fait ses découvertes, comme Newton, avec une pomme sur la tête. Pourtant, Newton a copié Kepler. Beaucoup de scientifiques se trompent en se fiant à leur sens. Pourtant, avec les capacités d'abstraction de l'esprit, on peut s'élever par des expériences et des hypothèses. Pour être un bon scientifique, il faut faire de la politique et être impliqué. Cela permet de ne pas être orienté par les autres. On utilise alors sa recherche de vérité qui demande à trouver des réponses consciemment ou inconsciemment. Beaucoup de mauvais scientifiques captent les budgets de la finance car elle veut démontrer que les ressources se raréfient. Ainsi, elle cache la découverte du thorium, énergie abondante, très stable et écologique grâce au projet Mira. Cela fait croire au peuple qu'on va manquer d'énergie. Cela aboutit à le rendre pessimiste pour mieux le déposséder ou le tuer. Quelqu'un qui croit que l'homme ne peut pas se développer est un pigeon potentiel de la finance, car il ne se rebellera même pas, croyant la sélection naturelle animale, promue elle aussi par la finance. On voit par exemple cet eugénisme dans le journal Le Monde en 2012. La meilleure preuve qu'il faille passer à des énergies de plus en plus denses, outre que cela nous permet une meilleure économie de travail, c'est que la vie elle-même a évolué vers les espèces consommant de plus en plus d'énergie. Les amphibiens consomment peu d'énergie, ils sont restés pratiquement dans leur milieu d'origine à leur température. Ensuite, les reptiles ont conquis les terres, mais ne pouvaient aller dans le froid, car la nourriture qu'ils mangeaient allait surtout dans leur masse corporelle. Enfin, les mammifères consomment une part importante de leur nourriture pour l'énergie. Cela nous permet de survivre plus facilement dans les milieux austères, tout en permettant d'être plus actifs. La densité d'énergie dans le vivant, c'est la survie et le développement, comme dans l'économie humaine. Si chacun est conscient de l'immortalité que permet notre civilisation, on apprend les meilleurs exemples de paix durable par le développement, comme Mazarin, Colbert, Roosevelt. Les alliés sont devenus plus efficaces dès que Roosevelt fut décédé. Cette relation n'est pas un hasard. Il y a des dires de Churchill qui démontrent cette relation. La volonté de paix de Roosevelt a été détruite par Churchill et Truman. La volonté de paix par le développement est dangereuse pour la finance, car elle impose de détruire la spéculation. Transformer, voire améliorer la nature, verdir les déserts, permet la colonisation de la Lune, afin de trouver de l'hélium-3 pour une fusion plus accessible. Cette colonie permettra d'aller vers Mars pour préparer un voyage vers une exoplanète. Ce premier long voyage permettra notre survie et développement dans l'univers, tout en permettant de détruire les astéroïdes allant vers la Terre. Notre économie est basée sur l'énergie, pas sur l'argent. Seule l'économie du crédit productif public de Roosevelt, transformant l'argent comme un moyen, avec une monnaie égalitaire, interdisant la spéculation sur la pauvreté d'un pays, permettrait de nous élever comme de véritables êtres humains, créatifs et libres, permettant un développement sans précédent par une énergie pratiquement sans limite. Mes notes. Chercher des articles sur l'économie physique, puis écrire. C'était « Pourquoi y aurait-il un dieu ?»